Les archéologues en sont persuadés, ils ont tort. Le passé enseveli n'est pas l'exclusif de l'archéologie. Ce passé enfoui est aussi le quotidien du psychanalyste. Croiser archives du sol, de l'inconscient et de la psyché est un exercice risqué, périlleux en direct et en public du Salon du Livre. Surtout si l'on se penche sur l'art, celui des premiers créateurs de l'humanité, ceux de Lascaux, Chauvet ou Altamira, ces grottes sortent de boîtes aux lettres dont le sens des messages, les peintures, ne nous est guère compréhensible. Pour cela, Carbone 14 avait son archéologue, éminent préhistorien, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, Denis Vialloux. Bonjour. Bonjour, Vincent Chaforté. Par chance, j'avais déjà croisé un psychanalyste, membre de la Société de psychanalytique de Paris et de la Société européenne pour la psychanalyse de l'enfant, François Sacco. Bonjour. Bonjour. Salon du Livre oblige, il nous fallait un ouvrage. Les éditions Ithac viennent de faire paraître l'origine des représentations, regard croisé sur la préhistoire, sous la direction d'Éric Robert et de vous-même, François Sacco. Avant de lever le voile, prenons quelques instants pour une actualité aujourd'hui brûlante. Une découverte comme seule la préhistoire peut en faire, de l'art préhistorique au cœur du Finistère, publié dans la revue PLOS ONE. Denis Vialloux. C'est magnifique. C'est vraiment dans le Finistère. Les préhistoriques ne pouvaient pas aller plus loin. Eh bien, ils ont aussi peuplé ce territoire. Et là, on a découvert des plaquettes de pierre gravées, mais gravées comme le faisaient leurs cousins. Eux qui sont des Bretons paléolithiques, chasseurs, leurs cousins en Dordogne, dans les Pyrénées, avec de remarquables représentations animales, des chevaux, des aurochs. Et il y a une des pierres qui est assez étonnante, parce qu'on voit la tête de l'animal qui est entourée d'une sorte de rayonnement, comme si c'était lightning spirit qui sort des animaux. Donc c'est une grande découverte. Et le tout à Plougastel d'Aoulas. La découverte, notamment celle de l'art, ne serait-elle pas avant tout une émotion, de l'émotion qui sera au cœur de notre sujet ? François Sacco. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, curieusement, vous me rappelez un intérêt particulier qu'avait pris Georges Bataille en visitant Lascaux. Il a vu à plusieurs reprises les figurations. Mais ce qu'il cherchait surtout, c'est de cueillir dans la tête des enfants, la surprise devant cette grotte. Évidemment, c'était des adolescents, ce n'était pas des enfants. Mais la grande recherche, ce qui l'a même en même temps l'a guéri, l'a aidé à dépasser des difficultés importantes, c'était cette recherche de surprendre, d'être surpris et de surprendre. Quelque chose qui soit là et qui appartient à l'humanité, à l'Homo sapiens. Denis Vialloux, vous qui plongez dans les profondeurs cavernicoles, vous avez donc aussi cette émotion ? Absolument, et toujours. Je me souviens de séances d'études d'une paroi avec des gravures ultra fines dans les Pyrénées, et où je passais 10 heures d'affilée, et de temps en temps, je me disais, est-ce qu'ils vont venir me taper sur l'épaule pour me demander ce que je pense de leurs œuvres magnifiques ? Je sens, et Vincent Charpentier, vous avez mais vraiment 1000 fois raison, de situer notre débat, notre rencontre sur l'émotion. Parce que là, l'émotion renverse absolument tout et rejoint les hommes entre eux. On n'est pas dans le monde de la connaissance pure, du rationnel. On est dans le monde du ressenti. Et ce que les préhistoriques ont construit, eh bien nous pouvons le ressentir sans même savoir ce que cela recouvre. François Sacco, archéologie et psychanalyse, l'analogie vous paraît-elle évidente ? Vous sentez-vous d'ailleurs un fouilleur à la recherche d'un passé enfoui ? Oui, enfin... Celui de vos patients, il faut dire, oui, mais il faut dire que la psychanalyse et la préhistoire sont nées en même temps, avec les mêmes prérogatives. La préhistoire se séparait en quelque sorte de l'archéologie en ayant besoin de l'aide, en quelque sorte, des sciences humaines. Et que ce soit l'anthropologie, que ce soit la sociologie, il y a pas mal de sciences. Et la psychanalyse, elle, avait besoin aussi des préhistoriens pour venir, pour essayer de travailler ce qui était au niveau de l'origine et qui n'appartient pas à la psychanalyse. L'origine appartient à l'histoire. Ce qui appartient à la psychanalyse, c'est l'originaire. Or, l'originaire, on est dans l'ordre des fantasmes. Des fantasmes que Freud avait en quelque sorte construit à partir de l'investigation de la névrose, donc des structurations qui étaient déjà des structurations d'hommes dans la société en équilibre, on dirait, alors qu'aujourd'hui les choses sont beaucoup plus compliquées. François Sacco, ce qui vous rapproche du préhistorien, c'est la recherche de l'inconscient qui, pour Freud, est un inconscient collectif. Bon, l'inconscient collectif est déjà discuté avec le problème qu'il y avait avec Jung. Mais enfin, je suis très près de mes amis préhistoriens. D'ailleurs, nous avons fondé une association depuis 78. C'est le troisième livre que nous publions. Pour cette association, anthropologue, psychanalyste, préhistorien et iconologue, puisse travailler ensemble, non pour comprendre, pour chercher des explications, mais pour essayer de voir quel est le sens. Qu'est-ce que les préhistoriques peuvent encore nous apporter dans notre recherche. Freud, d'ailleurs, s'est beaucoup intéressé à l'archéologie suite à la mort de son père. Oui, s'est beaucoup intéressé à la... Mais même à la... Il connaissait des... Il n'a jamais visité des grottes. Cependant, il les connaissait. Car ceux qui, en particulier pour la grotte espagnole de Altamira, il la connaissait, mais il l'a pas visité. Mais il avait été influencé par les théories à propos de l'animisme. C'est à partir en particulier de ce moment-là que cette division de la pensée en différentes formes est apparue dans les écrits de Freud. Denis Vialou, 34 000 ans nous séparent des premiers artistes, Cro-Magnon, mais pensait-il comme nous? Alors, il ressentait comme nous. Il y avait ce pouvoir émotionnel que vous évoquiez tout à l'heure et qui a produit leur œuvre. Mais je crois que là, les peintres de Lascaux, ou 17 000 ans, ou ceux de Chauvet auxquels vous référiez, 34 000 ans, sont vraiment tout proches de nous. Ils ont la même anatomie, le même cerveau et les mêmes organisations sociales. On le sait avec les études sur les techniques de chasse, de fabrication des outils et sur la construction des représentations, c'est-à-dire sur tout l'agencement des figures de bisons, de chevaux, des silhouettes humaines, des signes, des ronds, des pointes sur les parois, c'est-à-dire qu'ils ont développé des systèmes d'expression et de communication qui finalement sont extrêmement proches de ce que nous faisons, nous, en ce moment, surtout avec la profusion d'images qui nous gagnent. Ce qui change, c'est la culture. Alors, exactement. Nous ne sommes pas des mêmes. Et le comportement cultures. Symbolique aussi, peut-être. Alors, les comportements symboliques, sûrement, une grande partie sont les mêmes. Et si on regarde avec un petit intérêt particulier l'iconographie préhistorique, en général, on voit que le corps de l'homme joue un rôle dans l'iconographie important. Tout le corps, la tête, le sexe, les mains, même les pieds, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des enjeux et des enjeux qui doivent exprimer quelques fantasmes, comme diraient mes chers collègues. François Sacco, que doivent rechercher les anthropologues, les archéologues préhistoriens, rechercher et penser les universaux? Écoutez, là, le problème, ça devient encore plus compliqué, parce que le temps, nous l'avons traduit en espace. Dans la mesure que le temps appartient, dans la recherche, aux préhistoriens, parce qu'ils ont besoin de construire une pensée où l'histoire est très importante, alors que les psychanalystes travaillent beaucoup moins sur l'histoire. Ils travaillent sur un espace où on doit arriver à penser... je dirais, l'anachronisme. En quelque sorte, la possibilité de sentir, d'imaginer et pensée, ce que l'homme sapiens, puisque nous sommes toujours l'homme sapiens en quelque sorte, ce que l'homme sapiens était et est encore en nous. Justement, Homo sapiens, Cro-Magnon, a-t-il lui aussi cherché sa signification ? D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Sûrement. Il l'a cherché parce que je ferai une différence avec l'homme de Néandertal. Néandertal a constitué des sépultures. Il a créé des sépultures. L'homme sapiens aussi. Mais la différence qu'il y a entre les deux, c'est la capacité que l'homo sapiens a eue de figurer en dehors des sépultures, sur des murs, dans des cavernes, sa propre figuration, en quelque sorte. Il s'est donné un espace pour se penser. Denis Vialou, vous pensez aussi que donc Néandertal avait des problématiques... que Cro-Magnon avait des problématiques métaphysiques ? Sûrement. Pourquoi ? Rien que la naissance et l'enfance nous constituent, nous tous, dans cet univers de l'interrogation, d'où je viens, que vais-je faire, etc., etc. Et que là, par rapport à eux qui sont si proches de nous, si proches dans le temps, si proches de nous dans l'espace, et complètement comme nous, comme des sapiens, il y a toute cette émergence de l'être depuis le moment de la naissance jusqu'au moment de la mort. Et on retrouve ces dimensions symboliques à travers les grottes, à travers l'homme mort de Lascaux, à travers... Vous voyez, il y a là des orientations qui sont des orientations spontanément métaphysiques, qui ensuite vont s'exprimer et dans nos civilisations, dans nos cultures, grâce à l'écriture. Mais l'écriture est un épiphénomène, pas général dans le monde, mais grâce à l'écriture, nous avons pu constituer un savoir sur ces données métaphysiques fondamentales. Évoquons l'art. Il se peut que le dessin soit la plus obsédante tentation de l'esprit, écrivait Paul Valéry. Justement, penser en images, c'est le propre de Sapiens Sapiens, de vous et moi. C'est une magnifique citation que vous faites, oui, complètement. L'image est ce qui nous attire et ce qui nous aveugle en même temps. C'est ce qu'elle transmet et ce qu'elle cache, mais simultanément, c'est-à-dire qu'elle appelle l'interrogation. Le regard devient un regard intéressé face à l'image, me semble-t-il. Denis Vialou, chez nous aussi, les parois de nos murs sont recouvertes. Nous décodons ces images qui parfois peuvent nous toucher au plus profond de notre être. Nous codons et nous décodons sans arrêt. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à travers l'image, à travers une photo, à travers une peinture, un paysage, que nous accrochons sur les murs de notre habitat, de notre Dieu le plus domestique, du domus, eh bien là, on construit notre imaginaire. On donne à notre imaginaire des formes dans lesquelles on investit tout notre être. Et nous sommes les seuls qui vont mettre ces images, à savoir que la photo de la chère grand-mère qui est là signifie pour le petit-fils qui vit ça quantité de choses, alors que pour l'autre qui passe, c'est une photographie de vieille dame. C'est-à-dire la même image a des dimensions complètement opposées dans la relation à celui qui la connaît, qui l'investit de sens. Oui, mais notre art pariétal, c'est la publicité, c'est la sexualisation, l'image du corps qui sollicite la jouissance, par exemple, non ? Ah, pas tellement. Je regrette d'ailleurs que dans les grottes, ça ne soit pas aussi excitant que dans le Tassili... au cœur du Sahara. C'est-à-dire que pour nos ancêtres chasseurs, ces fameux sapiens, l'expression de la sexualité a suivi des chemins extraordinairement codés. Ce qui montre que les sociétés étaient très élaborées, très construites autour de ça. Mais il y a des iconographies qui sont beaucoup plus olé olé et plus proches de ce que l'on sait faire en ce moment. Reste la grotte, l'espace cavernicole. François Sacco, une matrice. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à ouvrir votre article par l'origine du monde. Oui, je crois que c'est une démarche que les hommes ont fait vers la grotte. Les grottes est un lieu où j'ai fait personnellement, parce que lorsqu'on s'est associé avec les amis préhistoriens, le pacte entre nous a été que les psychanalystes visitent aussi les lieux de la découverte de la préhistoire. Donc nous avons visité l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Algérie, d'autres, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Altaï. Donc on a beaucoup voyagé pour être avec les préhistoriens, mais nous voulions nous-mêmes faire cette expérience. Et l'expérience de la grotte est quelque chose qui, par moment, peut être très angoissant. Très angoissant parce que il n'y a pas seulement... Il y a des grandes matrices, mais il y a des petites matrices où on rentre dedans, on ne sait jamais si on peut aller jusqu'au bout. Et c'était la question très importante pour les préhistoriques qui voulaient aller souvent jusqu'au bout, et jusqu'au bout pour laisser des signes. Et ça, c'est pour nous, ça a été une découverte très importante, parce que nous faisons la même démarche, nous, encore aujourd'hui. Nous cherchons pas seulement des figurations humaines, mais nous cherchons, à travers l'expérience que nous avons, des rencontres psychanalytiques, du travail que nous avons aujourd'hui, d'aller plus loin dans la mesure que nous avons affaire à des pathologies, disons-moi, des difficultés que l'homme traverse aujourd'hui, qui, en quelque sorte, demande d'aller jusqu'au signe et pas seulement s'arrêter au niveau des images et des figures. Je parlais de l'origine du monde de Courbet. Il y en a plein dans Préhistoire de l'origine du monde. Oui, mais je pense qu'effectivement, même aujourd'hui, nous la considérons encore comme une matrice. Mais bon, une matrice qui, parfois, elle devient monstrueuse. Il suffit de voir certaines œuvres actuelles où une matrice, enfin, le corps d'une femme peut être représenté par une statue qui fait 26 mètres de long sur autant de hauteur, avec à l'intérieur des salons, enfin, des choses extraordinaires, où l'homme est avalé. Or, la société actuelle, est-ce qu'elle n'avale pas l'homme aussi ? France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. François Sacco, nous ne sommes pas là, et Cro-Magnon avec nous, devant le fantasme des origines, le retour dans le ventre maternel. Non. Le retour dans le ventre maternel. Il faut dire qu'il y a une différence fondamentale entre la représentation qu'il y a dans les grottes et ceux qui parfois sont à l'extérieur. Alors je m'adresse à mon ami Denis Vialou. Ce que vous avez parlé au début de ces découvertes faites en Bretagne. Mais moi, je pensais en même temps à la grotte de la Marche. Or, la grotte de la Marche, il y a les mêmes problèmes. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des représentations des hommes, des images des hommes normaux, c'est-à-dire du quotidien. Ceux que jamais dans une grotte on va rencontrer. Jamais. Donc ça indique bien qu'une grotte est un lieu particulier. On pourra l'appeler sacré, comme on voudra, tout ce qu'on voudra. Il faudra encore travailler là-dessus. Mais il est vrai que, au moins dans le magdalénien tardif, peut-être, on a en dehors des médaillons, des plâtres, avec des représentations qui sont de l'ordre de la réalité. Et jamais, par exemple... Tout à l'heure, tu disais des représentations des hommes dans les grottes, des femmes et des hommes. On peut voir beaucoup de choses, mais chez les femmes, on ne voit jamais les pieds. Oui, on voit autre chose, mais... mais pas les pieds. Alors, ces détails m'ont beaucoup frappé. Pour quelle raison ? Parce que la femme, en tout cas, de Chauvet jusqu'à à peu près à Lascaux, elle a été plus représentée comme un être de productrice de l'enfant, bien entendu, et très peu de l'érotisme. Par contre, à partir du Magdalénien, alors si tu es d'accord, tu le dis, à 15 000 ans, la représentation féminine est plus érotique. Denis Vialou, prenons un exemple. Lascaux, cette grotte, peut-elle nous guider pour comprendre la distance sémantique et émotionnelle parcourue par les peintres ? Oh, sans doute. Sans doute, Lascaux, bien connu pour ses superbes aurochs, ces peintures absolument fantastiques, qu'on peut revoir maintenant d'ailleurs dans le Lascaux 4, c'est important, hein, en Périgord, mais il y a du secret à Lascaux, il y a des choses très peu visibles, des gravures ultra fines, qui sont comme des compléments du discours mis en place. Et puis, il y a dans un recoin un peu profond de Lascaux une scène étonnante. On va en reparler, bien sûr. On va en reparler, donc, la scène du puits où on voit un homme mort. Non, qui est en train de mourir. À moins qu'il soit aussi souriant. Il a une tête d'oiseau, un bec un peu pointu. Extrêmement mystérieux. Alors, je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous sommes en direct du Salon du Livre en compagnie d'un préhistorien, Denis Vialou, et d'un psychanalyste, François Sacco, pour évoquer l'art préhistorique. Que se passe-t-il, Denis Vialou, face aux peintures majestueuses de la rotonde de Lascaux? De l'émotion, d'abord? Alors, une émotion profonde, c'est une catharsis, comme diraient les intellectuels de tous bords, que l'on ressent, et que l'on ressent toujours, y compris dans les répliques. Tellement ces œuvres sont fortes. Là, on est dans du spectaculaire, et ces animaux, dont certains font 3-4 mètres de longueur, tourbillonnent autour de vous. On reste là, face à cette suite d'orogues, de chevaux, avec des peintures très fortes, et on est profondément ému. Vous écrivez que l'espace et le temps se court-circuitent au plus fort de l'émotion dans la rotonde? Oui, c'est très bien écrit, en effet, ouais. Non, je blague, mais je crois que c'est cet ordre-là. On ressort muet d'abord, muet d'admiration, d'émotion, puis ensuite on essaie de comprendre un peu. Il n'y a pas de grotte sans cheminement. Nous voici dans le diverticule de la grotte de Lascaux. S'opère alors une première rupture? Oui, ce qu'on appelle le diverticule, c'est un couloir relativement étroit et haut de plafond. Et d'ailleurs, sur le plafond, les Magdaléniens ont fait des peintures. Mais elles sont complètement différentes de celles que l'on vient de subir dans le plus profond de l'émotion, dans la rotonde. Et là, on se déplace, on chemine, alors que dans la rotonde, tout tourbillonne autour de vous. Quand on est dans le diverticule, dit axial, dans l'axe de la grotte, peu à peu se révèlent les choses, comme dans un livre où on tourne la page et une nouvelle histoire commence. Donc il y a une rupture. Donc on passerait de l'émotion à quelque chose de peut-être plus angoissant? Sans doute. J'imagine que François Sacco, le docteur Sacco, est plus sensible dans ce sens-là, mais c'est vrai. Il y a une... Oui. Oui, indiscutablement, c'est un défilé où l'émotion peut nous arrêter dans une incapacité de penser, tellement que nous pouvons être pris par l'émotion à ce moment. Le puits, pour moi, reste un énigme, le puits de Lascaux. Pas que pour moi, je crois que pour tous, c'est encore un énigme. Parce que nous renonçons à la signification. Ça n'a pas de sens pour nous de penser une signification qui soit quelque chose d'une vérité objective pour toujours. Non. Je pense que, avec la culture qui change, les hommes interprètent toujours d'une façon différente. Ils sont toujours dans l'attente de quelque chose. Nous sommes toujours dans l'attente de quelque chose. Donc notre interprétation va aller aussi dans cette possibilité d'interpréter les choses en fonction de nos propres besoins. Denis Vialou, n'y a-t-il pas toujours un fond d'angoisse dans les grottes? Angoisse du noir, angoisse de l'inconnu, de ce que l'on n'a pas encore vu? Peut-être bien, ou l'angoisse de soi-même, sous terre. Et dans ces grottes, bon, moi je m'y trouve bien, elles sont familières, mais comme tout le monde, je suis content d'en sortir. On ne vit pas dans le monde souterrain. On y va, ce qui a été le cas des grands chasseurs, peintres, et artiste, et on en ressort. Et on en ressort différent de ce qu'on était au moment où on rentre. C'est-à-dire, il y a de l'expérimentation de soi-même, et dans ce sens-là, on retrouve l'angoisse et tout ce que cela peut recouvrir. Enfin, nous voici devant la scène du puits, où nous débouchons sur un homme en érection, mais quasi mort. Que se passe-t-il? Sommes-nous sur une histoire de sexe et de mort? La chose doit être bien plus complexe. Oui. Alors, la chose est sans doute plus complexe, d'ailleurs tellement complexe qu'on a du mal à la comprendre, à l'interpréter. Alors, dans cette scène dite du puits, on voit un bison qui charge un homme. Le bison est éventré, il y a une hallebarde qui le transperce, et l'homme est en culbute. Il a des pieds comme un skieur, comme des raquettes de ski. Il a un sexe en semi-érection, il n'est pas très glorieux. Il a des bras ouverts avec 3 ou 4 doigts seulement. Et il a une tête d'oiseau, ce qui est quand même pas tout à fait normal pour un homme. Et juste à côté de lui, il y a comme une canne dont le pommeau représente un oiseau. Tiens, tiens, ce sont les deux seuls oiseaux, drôle d'oiseau, dans la grotte de Lascaux qui compte un millier de peintures, un millier de représentations. On voit bien qu'on est dans l'exceptionnel. Et juste à côté de ce monde tout à fait étrange, s'écarte paisiblement un rhinocéros, le seul rhinocéros de la grotte de Lascaux. On est là dans un monde un petit peu à part, le puits, et évidemment, il y a un enjeu de sens pour ceux qui y descendent. Et puis, on est dans un milieu étouffant, on est probablement dans un milieu interdit. Oui, et d'ailleurs, il est vraiment étouffant en raison des concentrations de gaz carbonique, par exemple. François Sacco, on serait sur un mythe? Oui, je pense que c'est un mythe. Mais bon, l'interprétation, évidemment, c'est une interprétation. Mon interprétation, j'en ai une, moi. Je complète ce que Denis Vialou a dit à propos du bison. Effectivement, ces boyaux sortent de son corps. Mais l'arme qui aurait pu faire cette blessure, d'ailleurs j'imagine très mal une arme comme une lance pouvant faire la blessure qui est faite, puisque elle est éventrée. Alors, la lance est posée contre le ventre. Elle ne va pas contre le ventre. Ce qui me fait penser qu'on est devant une scène, une représentation de quelque chose que moi j'ai interprété personnellement comme le lieu, le ventre. C'est la première fois que dans l'art préhistorique, on voit une éviscération. Donc, je ne l'ai pas interprété personnellement, c'est mon affaire, je le dis bien, comme une blessure qui va vers la mort, quoi qu'on peut le penser, mais comme le ventre étant le lieu de la naissance et de la mort. C'est ça que la révélation, voir l'intérieur, c'est avoir accès à la naissance dans le ventre, donc on parle toujours de ce ventre de la grotte, comme naissance et aussi comme le retour, c'est la mort. François Sacco, rapidement, la paroi avec ce qu'elle permet de voir, mais aussi ce qu'elle ne permet pas de lire, serait-elle une sorte de miroir de la psyché ? Oui, bien sûr. Toute représentation figurative est un miroir de la psyché. Ça ne peut pas être autrement, car toute création de l'homme est continuellement toute manifestation, disons, extérieure est toujours une création de l'intérieur de l'homme. C'est la rencontre entre l'extérieur et l'intérieur qui donne à l'homme la possibilité de s'exprimer. Pour conclure, dans cette expérience cavernicole, peut-on dire que nous oscillons donc sans cesse entre le désir et la régulation de ce désir, entre satisfaction et interdiction pulsionnelle? Oui, non, oui, oui, oui. Tout à fait. Bien dit. Merci beaucoup. Merci. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Emmanuel Morse-Duncan et Alex James, avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inra.fr. La semaine prochaine, Carbone sera à la croisée de la science, de l'éthique et de la géopolitique. Nous tenterons de décrypter pourquoi des archéologues, notamment français, ont-ils pris le chemin de Damas et se sont rendus pendant la chute d'Alep à un congrès organisé par le régime syrien.